와, 미안하다, 기립하네요, 선생님. 미안하다. Ah, c'est dit, t'es responsable, t'as supporté les chocs en retour. Moi, il y a bien du monde sur la planète qui veut me couper la tête. Mais j'ai pas de tête, fait que. Ça, je l'aurais jamais dit, ça va, l'affaire des chants grégoriens. Ah, je suis allé parler de ça. On est du fan la soirée, hein? Ouais. Mais là, je suis fatigué, me reposer. Est-ce que ça se peut faire de la musique? De oui, ça se peut. Puis éventuellement, vous pouvez retrouver, vous pouvez recommencer à faire de la musique, mais vous ne le ferez pas pareil. Ouais, parce que là, quand vous faites de la musique, vous le faites avec vos émotions, tandis que plus tard, vous pourrez faire de la musique, mais ça sera canalisé. Moi, j'enseigne à ma petite fille, quand elle joue au piano, de jamais jouer du piano. J'ai dit, laisse tes mains sur le piano, là. Puis. Laisse l'énergie contrôler tes mains. Fait que là, la musique qu'elle joue, c'est la musique que l'énergie lui fait jouer. Au lieu que son ego se mette là-dedans, là. Bon. Elle est petite, là, fait que c'est facile. Fait que plus tard, mais quand elle a 20 ans, elle fera sa musique. Et ça sera sa musique. Elle a-tu un professeur de piano? Ouais. Ouais, il y en a un. Quel style? Mais, il est au bout. Il comprend ça. Ça prend un prof spécial, par contre. Ouais, j'ai bien tombé. Il y a cosmogonie durant ça pour ça. Ça, c'est peut-être drôle. Ouais, il est pas mal au bout. Mais là, il faut des petits changements. Pas parce que j'ai parlé, parce que je parle pas. Pour pas trop changer. Mais, ouais, mon gars. C'est bon qu'elle ait des structures, mais c'est bon qu'elle connaisse l'autre aspect aussi. Mais c'est bon pour les enfants. Les enfants, faut qu'elle aille à l'école. Bon, mais. Ah, je vais plus enregistrer, là, mais je vais continuer à parler. Garde le micro pareil pour en haut. Ah, oui.